précision, j'étais parti pour vous parler uniquement de la perception et de la gestion des possibles implications d'une tumeur testiculaire et ses traitements sur la sexualité, puis finalement ça va être perception et modalité de gestion des implications d'une tumeur testiculaire, non seulement sur la sexualité, mais aussi sur le genre. Alors, dans un ouvrage relatif à l'organisation sociale du travail médical, Anselm Strauss affirmait que, je cite, « les efforts actuels de la médecine non seulement produisent de nouvelles maladies chroniques et de nouvelles phases pathologiques, ainsi que le travail de trajectoire qui s'y rattache, mais produisent également de nouveaux types de malades chroniques. » Énoncée en 1985, cette phrase me semble aujourd'hui on ne peut plus vérifier et d'actualité, du moins au vu de certaines pathologies et plus précisément de celles dont j'aimerais vous entretenir ici, à savoir les tumeurs testiculaires, ainsi que leurs possibles implications sur la sexualité et l'identité de genre. Mais avant d'aborder ce sujet, il me semble d'abord nécessaire d'introduire mon exposé par une présentation du contexte à la fois épidémiologique, sociodémographique et médical de cancer, contexte à partir duquel j'ai construit la problématique de ma recherche, puis de revenir ne serait-ce que brièvement sur quelques considérations méthodologiques la concernant. Donc, première partie de mon exposé intitulée « Un cancer pas tout à fait comme les autres ». Donc déjà, je tiens à préciser que cet exposé, il s'appuie sur les premiers résultats d'une recherche doctorale en sociologie qui est financée par le Cancéropôle Île-de-France et qui est dirigée par Philippe Combessy. Donc, recherche doctorale en sociologie s'intéressant à la prise en charge médicale des hommes atteints d'une tumeur des cellules germinales, c'est-à-dire de ce qu'on appelle plus communément un cancer du testicule ou un cancer des testicules, ainsi qu'aux modalités de détermination et d'organisation des conditions et des choix de vie par l'individu et ses proches pendant et suite à sa maladie, pendant et suite à ses traitements. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, depuis plusieurs dizaines d'années, l'oncologie elle connaît d'importantes avancées thérapeutiques. Le traitement d'une tumeur testiculaire en constitue probablement l'exemple type, puisque son taux de survie est le plus élevé. On observe que 5 ans après le diagnostic, il est supérieur à 95%, et précisément, il est de 95 à 98% pour les formes localisées et de 80 à 85% pour les stades métastatiques. Ainsi, les cas graves, voire critiques, sont le plus souvent guéris. Alors, relativement rare, en fait dans l'absolu, mais proportionnellement, l'incidence a énormément augmenté depuis près de 40 ans, relativement rare puisque il y a 2317 nouveaux cas qui sont estimés en 2012 pour cette tumeur. Ce cancer touche particulièrement la classe d'âge des adolescents et des hommes jeunes, principalement entre 15 et 49 ans. L'âge moyen est de 30-34 ans. Alors là, 15-49 ans, je me base sur la tranche d'âge de l'Institut, de l'Institut National de Veille Sanitaire. Hein, c'est pas moi qui n'étais pas en mesure de pouvoir faire des sous-catégories. Hein, et puis pour 30-34 ans, c'est un article de Sciences Po en biomédical. Donc soit un moment biographique important sur au moins 3 plans. Tout d'abord, en pleine période d'activité professionnelle. Ensuite, en pleine période de procréation, puisque l'âge moyen du père à la naissance des enfants était de 32,7 ans en 2005 pour la France. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de données plus récentes. Et enfin, en période relativement importante d'activité sexuelle, puisque le nombre moyen de rapports mensuels des hommes français âgés de 25 à 34 ans avec leur dernier partenaire était de 10,4 en 2006 contre 8,7 pour l'ensemble de la population masculine entre 18 et 69 ans. Alors, concernant le traitement de ce cancer, une biopsie n'étant pas possible en raison d'un risque de dissémination de la tumeur, l'ablation du ou parfois des testicules atteints est quasi systématique. Cette opération chirurgicale, nommée orchidectomie par le corps médical, elle est le plus souvent suivie d'une chimiothérapie et ou d'une radiothérapie qui peuvent créer, sinon aggraver à plus ou moins long terme, des troubles de la fertilité qui sont souvent déjà connus par les patients, puisque 70% d'entre eux sont atteints de ce qu'on appelle de l'hypofertilité, c'est-à-dire d'une fertilité qui est inférieure à la moyenne au moment du diagnostic. De plus, deux types d'opérations chirurgicales possibles suite à une chimiothérapie, nommées curage ganglionnaire et chirurgie des masses résiduelles par le corps médical, peuvent créer des troubles secondaires de l'éjaculation. Ce qui fait qu'après le traitement, la fertilité du soigné elle est diminuée d'environ 30% par rapport à la population générale. Alors, à travers tout ceci, on observe comment l'incertitude du pronostic vital, même si elle est quasi dissipée, elle va se retrouver transposée aux conditions et aux choix de vie pendant, mais aussi et surtout suite à la maladie, dont le spectre, pour reprendre l'expression d'un enquêté, va, ou du moins peut amener le patient, de même que ses proches, à se demander quelle va être la vie. Précisément, ce cancer et ses traitements, ils posent question quant à la gestion de leurs possibles implications au niveau sexuel, corporel et du genre, mais aussi au niveau parental et familial, ou bien encore au niveau de la vie professionnelle. Implications qui sont toutes retrouvées, du moins formellement, pour nombre d'autres cancers. Plus largement, il me semble que toutes ces spécificités elles font apparaître le cancer des cellules germinales chez l'homme comme une possible situation modèle, c'est-à-dire une situation qui serait potentiellement paradigmatique et prospective, car représentant à terme l'expérience que la quasi-totalité des cancers représentera, soit une maladie dont les chances de rémission ou de guérison sont élevées, voire très élevées, mais qui laisse des séquelles, ou ce que l'on pourrait nommer des traces, avec lesquelles il faut continuer de vivre. Se pose alors la question de savoir comment. Interrogation s'inscrivant donc dans une démarche d'alimentation de la réflexion sur ce qu'on appelle le vivre avec. Alors, potentiellement paradigmatique et prospective, il me semble juste pour précision que c'est une hypothèse de travail qui me semble pour partie vérifiée par la discipline oncologique elle-même lorsqu'elle énonce, ou du moins certains de ses représentants énoncent, que depuis la fin des années 1970, les cancers du testicule métastatique sont devenus le paradigme des cancers curables au stade métastatique par l'utilisation de la chimiothérapie à base de cisplatine, une forme de drogue, et de la chirurgie des masses résiduelles. Donc ça a été publié dans le numéro 100 du bulletin du cancer en décembre 2013. Et il se trouve qu'un des médecins avec lequel je travaille a coécrit, participé à la rédaction de cet article, était tout à fait d'accord avec moi. Par contre, bon voilà, c'est le prisme de l'oncologie. Alors, ce qui me fait arriver à ma deuxième partie sur quelques considérations méthodologiques. Alors, dans le cadre de ce travail, outre l'utilisation et la réappropriation de données épidémiologiques, sociodémographiques et médicales, j'ai réalisé de décembre 2012 à mars 2014 38 entretiens semi-directifs, des récits de vie, je continue à en réaliser d'ailleurs, donc des récits de vie approfondis pour la plupart, hein, puisque ça va d'une quarantaine de minutes à près de 5 heures, auprès de 14 enquêtés âgés de 30 à 60 ans, qui étaient en rémission ou guéris au moment de l'interview, et j'ai également observé une trentaine de consultations de surveillance étalées sur une période de 7 mois, donc de janvier à juillet 2012, au sein d'un grand centre de lutte contre le cancer situé en région parisienne. Alors, trentaine de consultations, ça peut paraître assez faible, mais en fait, ça s'explique par la rareté de la pathologie étudiée. Ce qui fait que parfois, pendant une à deux semaines, il pouvait y avoir aucune consultation de surveillance pour ce cancer. Et donc, c'est à partir de ces entretiens et de ces observations qu'il m'est possible de reconstituer, ou du moins de tenter de reconstituer et d'analyser des trajectoires de maladie, donc au sens d'Anselm-Strauss, mais donc, il ne sera pas du tout question ici, hein, puisque je parlerai vraiment pas des trajectoires, pas de l'organisation des soins. Donc, pour tenter d'appréhender les types de travail effectués, les stratégies adoptées, ainsi que les choix opérés par mes enquêtés et leurs proches en réponse aux implications possibles de cette tumeur et de ses traitements au niveau parental et familial, au niveau de la vie professionnelle et au niveau de la sexualité et d'identité de genre. Par ailleurs, il me semble nécessaire de préciser qu'interroger ces deux derniers domaines, donc la sexualité et l'identité de genre, mais peut-être surtout la sexualité, n'est pas sans poser, sinon problème, certaines interrogations et soulever certaines considérations méthodologiques que je souhaiterais aborder ici, ne serait-ce que brièvement. Alors, dans le cadre de ce travail, j'ai été et continue d'être confronté à des enquêtés proches de moi, au moins à certains égards, hein, puisque du même sexe, nos âges sont relativement peu éloignés. En moyenne, un peu moins de 14 ans nous séparent au moment de l'interview, où l'âge est généralement plus important que celui du diagnostic, en sachant que mon âge moyen pour ma recherche est de, j'en ai 27, mais de 25 ans et demi. Donc c'est, par rapport à d'autres cancers, c'est quand même assez peu. Là, c'est quand même assez faible, 14 ans. Il me semble. Donc mes sexes et âges, entre autres caractéristiques, il me semble alors avoir d'indiscutables effets, non nécessairement négatifs, au contraire, et dont les formes ne sont pas toujours affirmées, effets donc sur l'enquête ethnographique que je mène, ainsi que les relations qui s'y nouent. La perception de ces caractéristiques par les interviewés, combinée à leur lecture de ce que je déclare sur ma recherche et moi-même durant notre ou nos rencontres, peut donc les orienter vers la communication d'informations inespérées, en même temps qu'elles en rend d'autres plus difficiles d'accès. Il me semble en effet, pour continuer de reprendre et de compléter certains propos de Pierre Fournier, que les types de récits recueillis, leur véracité et peut-être la possibilité même de les recueillir, changent, outre leur cadre et lieu d'énonciation, non seulement selon que l'enquêteur partage ou non la position sociale de l'enquêté, mais aussi, et peut-être surtout ici, son appartenance sexuée et sexuelle, de même que générationnelle, qu'il semble difficile, sinon impossible ou illusoire, de neutraliser ou d'écarter. Ainsi, les caractéristiques externes de l'enquêteur favorisent, sinon même autorisent ou permettent, certains développements dans le propos de l'enquêté, au détriment d'autres auxquels il était moins incité. Alors je pense précisément à ceux concernant sa sexualité, que Durkheim qualifiait d'acte impudique par excellence, acte sur lequel s'impose une réserve et qui n'est évoqué qu'à mot couvert, mais aussi plus largement au développement relatif à l'intimité de l'enquêté. Dans les relations sociales, on impose en effet un voile du silence au secteur sexuel de l'économie pulsionnelle, ce dernier étant banni de la vie publique de la société. Les rapports sexuels appartiennent ainsi aux fonctions physiques dont l'évocation difficile nous fait très souvent éprouver un sentiment de malaise, à plus forte raison de la pudeur et de la honte, lorsqu'elles sont exposées au regard des autres, manifestation du mur invisible des réactions affectives se dressant entre les corps, les repoussant et les isolant depuis leur naissance. Comme le remarque toujours Dormer Elias, par le processus de civilisation, la sexualité fut reléguée à l'arrière-plan de la vie sociale. Aussi, une atmosphère de gêne, expression de la peur sociale, baigne désormais sur cette sphère de la vie humaine. Et même entre adultes, on en parle officiellement qu'en prenant beaucoup de précautions et en se servant de périphrases, les mots qui les évoquent font l'objet d'un ensemble de règles et de restrictions. Alors là, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais ça revient beaucoup dans le cadre de mes entretiens. Néanmoins, un discours peut-être moins restreint sur ce sujet, donc sur la question de la sexualité, compte tenu de certaines de mes caractéristiques externes, d'une part, n'élimine pas le problème des déclarations normatives, et puis d'autre part, n'empêche pas d'éprouver une éventuelle difficulté à l'élaborer ce discours, notamment traduire ou mettre des mots sur les sentiments qui lui correspondent, ce qui semble se retrouver, quelles que soient les circonstances sociologiques ou médicales, où ces éléments sont énoncés. De même, l'enquêteur, moi-même, peut connaître une certaine gêne ou réserve en abordant ces éléments qui n'est pas alors sans transparaître dans l'entretien. Par ailleurs, mais je ne ferai ici que les évoquer, il semble nécessaire de rappeler que la réalisation d'entretiens répétés avec le ou les mêmes enquêtés sur une période plus ou moins longue, de quelques semaines à quelques mois, ce qu'on nomme aussi un suivi longitudinal qualitatif, induit des effets sur les informations délivrées qu'il convient tout autant d'analyser. Alors j'en arrive maintenant à la troisième et principale partie de mon exposé, intitulée « De la rupture biographique à la gestion de ses implications ». Donc vous le savez, le cancer tend à devenir une maladie chronique, soit un type de pathologie principalement définie selon Isabelle Bazinger, d'une part par sa durée, et puis d'autre part par son problème de gestion quotidien. En tant que tel, le cancer, il implique respectivement une rupture ainsi qu'un travail biographique permettant de faire face à et d'accepter plus ou moins progressivement, parfois difficilement, la nouvelle situation créée par son éruption. La contribution du compagnon, voire des proches en général, n'étant pas alors sans importance. Ce travail biographique, il varie selon le nombre d'aspects de soi perdus, le sens qui leur est donné et la capacité à trouver de nouvelles façons de vivre au sein des limitations induites par la présence de la maladie chronique et à sa suite. Alors précisément, la pathologie et le ou les traitements connus ici, s'ils impliquent tant soit peu un nouveau corps, ils changent certainement son image, ainsi que le rapport entretenu avec lui, c'est-à-dire l'ensemble des perceptions, des affects, des représentations, des fantasmes, des désirs ou bien encore des pratiques qui lui sont relatifs, et notamment au niveau sexuel et d'identité de genre, de même qu'ils appellent d'éventuels modes de gestion et autres stratégies afin de répondre à ces modifications. C'est ce dont je vais maintenant vous parler après un rapide cadrage théorique concernant ces deux domaines. Donc j'en arrive à la première sous-partie de ma troisième partie, intitulée « Conception de la sexualité, perception et gestion des implications sexuelles d'une tumeur testiculaire ». Alors, en m'appuyant sur les analyses de Alain Jamy, Émilie Moreau et Pierre Moulin, on observe que les tumeurs testiculaires, plus que d'autres, elles appartiennent à un type de cancer qui est considéré par l'oncologie, et à plus forte raison par sa spécialisation sexologique, comme pertinent au regard d'une problématique de la sexualité, dans la mesure où leur prévalence à part, elles ont des effets directs, c'est-à-dire anatomophysiologiques et fonctionnels, parfois même endocrinologiques, sur le fonctionnement des organes génitaux dont la réalisation de l'orgasme dépend. Cette conception de la fonction sexuelle, abordée par les médecins spécialistes et considérée plutôt masculine dans les représentations biomédicales, s'inscrit donc non seulement dans un modèle de causalité localisant cette fonction justement sur les organes génitaux, mais aussi dans le registre médical de leur description anatomophysiologique et fonctionnelle, avec la description de leur mécanisme psychophysiologique. Cette approche, donc en termes de fonction sexuelle, elle se distingue alors d'une approche en termes de sexualité, qui est conçue comme psychologique, subjective, relationnelle et émotionnelle. S'inscrivant dans une prise en charge globale ou holistique du patient, elle est plutôt abordée par les infirmières, de même que les psychologues, et elle se trouve plutôt considérée féminine dans ces mêmes représentations biomédicales, bien qu'elle ne soit pas ici, dans le cas des tumeurs testiculaires, totalement absente, au moins aux yeux de certains soignés et professionnels de santé, reconnaissant que le retentissement psycho-affectif de la maladie affecte ou du moins peut affecter la sexualité. Ces conceptions, d'une part sexualité de l'autre, elles constituent et recouvrent donc les deux aspects spécifiques des problèmes sexuels qui sont rencontrés dans le champ du cancer et plus largement en médecine. On observe par ailleurs qu'il persiste, sinon dans les pratiques, dans les représentations sociales, analogue semble-t-il à celle médicale, une similaire dichotomisation entre ces sexualités, d'une part masculine, qui serait plutôt centrée sur la concrétisation du désir, et puis d'autre part féminine, qui serait plutôt axée sur la relation à l'autre. C'est en effet autour du clivage persistant entre la première, qui serait naturelle, pulsionnelle, ainsi qu'individuelle, et la seconde, plutôt affectivo-conjugale, qui peinerait à se départir des enjeux procréatifs, que se constitue la représentation de l'activité sexuelle. Alors, concernant les répercussions possibles d'une tumeur testiculaire et ses traitements sur la sexualité, on observe qu'elles ne sont pas toujours toutes abordées ou connues des patients. La sexualité et les problèmes sexuels constituent en effet un des domaines cachés de la prise en charge médicale du cancer, l'un comme l'autre, sexualité, cancer, plus largement maladie, ayant en commun le fait de constituer des domaines marqués par des difficultés de communication. Même lorsqu'elles sont inexistantes, la question majoritairement secondaire au moment des traitements, de savoir si l'on aura à nouveau des rapports sexuels et comment, du moins si ces rapports se dérouleront d'une manière similaire quant à maladie, ce qui parfois et même souvent prend un certain temps, bien cette question elle peut se poser. En effet, suite à l'expérience de la pathologie et des soins, le corps d'une part risque concrètement d'être moins performant, car fatigué par les soins, et puis d'autre part, ce qui en découle au moins en partie, le corps il va, ou du moins il peut imposer de nouvelles limites à ce qui était physiquement envisageable et possible jusqu'à là par l'individu. Aussi, lorsque les répercussions n'existent pas, leur appréhension peut rester présente jusqu'à ce que les coïts reprennent comme avant et plus ou moins progressivement leur cours. Alors, quand elles ont lieu, ces modifications de la sexualité, elles peuvent se traduire d'au moins deux façons différentes. La première possible, et certainement la plus commune, toute tumeur ou tout cancer confondu, elle consiste en une baisse plus ou moins temporaire de libido durant les traitements et parfois même à leur suite. Baisse dont les causes sont multiples, du moins pendant les traitements, que ce soit ça peut être l'angoisse ou le stress lié au futur, la fatigue, la dépression, les douleurs ou bien encore les traitements. Alors cette période d'arrêt ou d'abstinence, qui peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire années en de rares cas, pour un de mes enquêtés, n'est pas alors sans gêne ou importance, puisque la difficulté, sinon l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles pendant un certain temps, elle peut être perçue comme incapacité à remplir le rôle ou la fonction dévolue à l'époux, sinon à l'homme en tant qu'homme, la masculinité requérant dans notre culture, contrairement à la féminité, d'être constamment prouvée, et notamment par des performances sexuelles sans faiblesse et la capacité de procréer. Selon Georges Falconet et Nadine Le Faucheur, toute vie d'homme est placée sous le signe de la surenchère permanente. La virilité exigée ou obligée n'est donc jamais acquise ou assurée, il faut sans cesse la manifester, la démontrer, l'affirmer. Un de mes enquêtés, que j'ai appelé M. Acu, un ingénieur technico-commercial de 46 ans, diagnostiqué à 43, marié n'ayant aucun enfant, m'explique alors dans quelle mesure ne plus assurer, pour reprendre son mot, pendant plusieurs mois, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir une érection et par là même des rapports, suite à une première ablation testiculaire, il m'expliquait dans quelle mesure ça le préoccupe quelque peu. Mon épouse, me confie-t-il, elle est quand même mariée avec un homme. De surcroît, il ne faut pas oublier, d'une part, que depuis les années 1960, c'est de moins en moins le mariage, sanctionnant désormais l'aboutissement du cycle conjugal, et de plus en plus la sexualité, ne constituant donc plus un devoir, qui fonde et maintient le couple, au moins jusqu'à un certain âge, à plus forte raison son lien constitutif, demeurant le symbole de sa cohésion. En effet, outre le déclin de son inscription institutionnelle, et l'importance prise par les intérêts individuels, le couple contemporain se distingue par le rôle central que la sexualité assure dans sa construction, puis son entretien. Cette activité, elle constitue désormais, pour reprendre une citation de Michel Bozon, l'expérience fondatrice des relations conjugales et affectives, le langage de base de la relation. Aussi, cette relation n'est plus difficilement concevable sans activité sexuelle continuelle entre conjoints. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que la performance exigée dans la sexualité, thématique renvoyant plus à l'épanouissement de et dans cette activité qu'à la reproduction, semble aujourd'hui se diffuser de façon importante. Alors, bien que cette baisse de libido elle n'ait pas lieu en certains cas, on peut ne pas désirer avoir de relations sexuelles durant les soins. Les arguments alors présentés sont souvent de type hygiénique, ce qui n'empêche pas éventuellement la masturbation d'ailleurs. La seconde modification possible et plus spécifique à ce cancer, elle consiste en des problèmes d'éjaculation que j'ai déjà pu évoquer plus haut. Ces problèmes, ils peuvent provoquer des sensations qui sont éventuellement perçues comme différentes au cours des rapports sexuels, parfois une baisse de plaisir, voire même une difficulté à obtenir un orgasme. De plus, la non ou moindre expulsion de sperme, liquide considéré comme porteur de vie et d'érotisme, donne en certains cas l'impression d'un manque, sinon d'une perte. En effet, cette expulsion, elle peut être considérée comme participant de l'identité masculine et de la vérité physique, ainsi qu'une preuve pour autrui du plaisir obtenu, l'émission du foutre masculin étant le référent absolu de la jouissance. Alors, un enquêté, que j'appellerai Monsieur AP, travaillant dans le milieu de la finance, âgé de 31 ans, diagnostiqué à 29, en couple avec un autre homme et n'ayant aucun enfant, m'explique dans quelle mesure ne plus pouvoir balancer la purée, pour reprendre ses mots, et ce suite à un trouble de l'éjaculation résultant d'une chirurgie des masses résiduelles, mais m'expliquer dans quelle mesure ça lui pose problème. À noter par ailleurs que cette notion de projection active, qui est habituellement associée à l'acte de l'éjaculer, elle se retrouve parfois aussi dans certains termes à connotation tant soit peu, sinon plus avilissante ou dégradante, comme celui de cracher par exemple. Un autre exemple. Et puis, ces modifications, elles impliquent également l'éventualité d'en faire part à son ou ses partenaires, ce qui change quelque peu les rapports entretenus et autres caresses sexuelles échangées. Par ailleurs, il semble nécessaire de préciser que les désagréments causés par les troubles sexuels, ils sont différemment perçus selon les préoccupations de chacun, puisque la sexualité, elle occupe une diversité de places, de sens et d'importance dans la vie des individus, diversité provenant de l'expérience individuelle, de l'histoire personnelle, de l'état de santé, du désir, de l'âge, des références normatives ou bien encore des enjeux relationnels, comme l'absence ou la présence d'un ou d'une partenaire, et dans ce dernier cas, du calendrier de la vie en couple. Ainsi, pour certains, c'est la plus grande difficulté posée par un trouble de l'éjaculation concerne leur rendement, et pour d'autres, il s'agit des différences de sensations que ce trouble occasionne ou peut occasionner au cours des relations sexuelles. À noter enfin, dans le cas d'une double ablation testiculaire, la possibilité, sinon la nécessité, pour continuer à avoir des rapports sexuels et ou se protéger contre l'ostéoporose, de consulter un endocrinologue, l'individu ne sécrétant plus par lui-même de testostérone, ce qui n'est pas d'ailleurs sans influencer sur sa trajectoire de maladie. Donc j'en arrive maintenant à la deuxième sous-partie, à la seconde sous-partie de ma troisième partie intitulée « Conception du genre, perception et gestion des implications identitaires d'une tumeur testiculaire ». Alors, avant de continuer à livrer quelques résultats, il apparaît nécessaire de préciser que je souscris ici à la définition du concept de genre non comme modalité des actions et des relations sociales, mais comme attribut identitaire, c'est-à-dire en tant que marqueur de l'identité psychologique et sociale de l'individu et non de son corps biologique. Choix qui n'est pas fait par conviction mais par souci opératoire. Je pars ainsi de l'hypothèse que les normes de comportement qui m'ont été rapportées, qui vous sont ici présentées, elles sont impliquées par la signification sociale qui est prêtée aux attributs corporels dits masculins, les qualités morales et physiques attribuées à l'homme ne leur étant pas inhérentes, de même que pour les attributs considérés féminins et les femmes. Il faut donc garder à l'esprit le caractère construit de cette signification, le corps étant dans toute société un élément de son imaginaire, une matière de symbole, le point d'imputation par excellence du symbolique, pour reprendre une expression de David Le Breton. Et précisément, la symbolique de l'organe touché et retiré, donc le testicule ici, elle est importante. Nombre d'expressions courantes, populaires notamment, attestent et illustrent tout à la fois les valeurs et puissances qu'il représente, ainsi que les conséquences de sa perte. Ainsi, par exemple, on parle de bijoux de famille, ou bien encore de quelqu'un qui a ou qui n'a pas de couilles. De même, et bien que les degrés d'adhésion à cette proposition soient plus ou moins forts selon les cas, c'est-à-dire principalement en raison de l'appartenance sociale et ou générationnelle, la virilité elle apparaît assez souvent, indiscutablement ou évidemment, comme une dimension 2, souvent consubstantielle à la masculinité, c'est-à-dire qu'un homme est, on considère qu'un homme est, ou à tout le moins se doit d'être viril. Cet état, il se manifeste alors non seulement par les attributs physiques, mais aussi tout un ensemble d'aptitudes ou qualités et d'attitudes morales, les uns les autres étant régulièrement associés, imbriqués ou intriqués, ainsi qu'on a déjà pu brièvement l'observer. En avoir, pour ainsi dire, et donc apprendre tant au sens propre que figuré. Et partant, l'acte de retirer un testicule, qui est par ailleurs plus ou moins difficilement accepté lorsqu'il s'agit du dernier, cet acte il représente une éventuelle attaque symbolique, dans la mesure où cet organe, constitutif d'une charge sociale, il est considéré, ou du moins il peut être considéré, d'une part comme un attribut de la virilité, entendu comme capacité à la fois reproductive, sexuelle et sociale. Être viril, c'est bander, que ce soit son sexe, ses muscles ou son énergie. Et puis d'autre part, et plus largement, cet organe, il est, ou du moins il peut être considéré comme un attribut de la masculinité, renvoyant majoritairement à des images de puissance, de performance, de raison ou bien encore de rationalité. Par exemple, un autre enquêté, que j'ai appelé Monsieur A.O., un maître d'hôtel de 39 ans, diagnostiqué à 37, célibataire et n'ayant aucun enfant, il estime que suite à l'ablation testiculaire, vous vous retrouvez avec 50% de votre virilité en moins. Alors, cette opération chirurgicale, elle peut être perçue comme une mutilation, voire une émasculation, et elle reste souvent au moins une des traces qui rappellent la maladie. Alors, le remplacement du ou des testicules retirés, qui est envisageable durant ou à la suite de son ou de leur ablation, qui est, enfin, en tout cas pour les enquêtés avec qui j'ai eu l'occasion de réaliser un entretien, a quasi systématiquement ou a toujours été fait, je crois, pendant. S'ils ont accepté de mettre une prothèse, c'était au moment de l'ablation testiculaire et jamais après. Donc, le remplacement du ou des testicules retirés, envisageable durant ou à la suite de son ou de leur ablation par une ou des prothèses en silicone, qui sont purement cosmétiques ou esthétiques et en aucun cas fonctionnelles, c'est également une stratégie qui est proposée par la plupart des médecins et adoptée par certains patients. Ces derniers peuvent alors parfois l'accepter pour leur propre conception corporelle et par là même contribuer, du moins en certains cas, à atténuer, voire à enlever une des séquelles physiques et ou symboliques du cancer. Monsieur AP, dont il a déjà été question plus haut, me confie ainsi qu'un testicule en moins, c'est un peu perdre sa masculinité. En mettant une prothèse, il estime alors garder l'identité d'homme. A noter qu'un changement de prothèse peut être demandé lorsqu'elle ne correspond pas au niveau de la taille à son image corporelle. Mais en accepter une n'est pas le cas de tous. A l'inverse, le même monsieur Acu, dont il a également été question plus haut, ayant subi deux ablations testiculaires successives, n'a pas souhaité se faire implanter ce corps étranger, pour reprendre ses mots, estimant que deux trucs en plastique ne vont pas lui faire enlever de la tête le fait qu'il n'a plus de testicules. Certains patients désirent même retirer leur prothèse pour des raisons de non-traçabilité, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible au patient de s'assurer que son implant n'est pas défectueux ou ne constitue pas un potentiel risque médical à terme, et ce notamment suite à l'affaire PIP. Enfin, la prothèse, elle est parfois refusée par le corps médical, du moins sur le moment, donc au moment de la première intervention, lorsqu'il souhaite éviter un éventuel risque d'infection ou de rejet. Donc à travers tout ceci, on observe, ou du moins il me semble qu'on peut observer combien est-ce que la question d'une gêne et ou d'une stigmatisation possible de celui qui a subi cette ablation, ajoutée à celle d'être ou d'avoir été atteint par un cancer, de même que la question du contrôle de ces informations peuvent se poser, bien que ce dernier, donc que ce contrôle des informations, soit exercé d'une façon vraisemblablement moindre en comparaison à d'autres stigmates, je pense par exemple à une mastectomie, enfin ça en moins, dans la mesure où l'accès à l'organe touché et donc sa visibilité est relativement faible, hein, puisqu'il repose sur un ensemble de conditions bien définies et restrictives. Et même lorsque cet accès est obtenu, je pense notamment au cours des rapports sexuels, des stratégies peuvent toujours être mises en œuvre pour tenter de maîtriser l'image qu'on a et qu'on donne de soi. Par exemple, j'avais un enquêté qui m'expliquait dans quelle mesure il concevait, il utilisait la cicatrice restée à la suite de l'ablation testiculaire, donc c'est quelque chose qui se situe au niveau de l'aine, comment est-ce qu'il la concevait, il l'utilisait comme un éventuel désidentificateur au sens d'Erving Goffman, hein, en la faisant passer pour la cicatrice d'une impadicectomie qui est généralement considérée comme moins stigmatisée ou stigmatisante, du moins selon lui. En réalité, la divulgation de cette information, comme celle d'être ou d'avoir été atteint par un cancer, elle dépend d'au moins deux facteurs. D'une part, de la façon dont on se perçoit, soit sa maladie, et puis d'autre part, du cadre et ou du degré de connaissance entretenu avec l'individu qui reçoit ces informations. On peut également noter que pour certains, l'ablation du testicule n'est que peu, voire pas du tout perçue comme une atteinte à la virilité ou à la masculinité. Elle ne pose alors guère de désagréments, car s'inscrivant dans un processus ou une perspective de guérison qui prime sur le reste. Enfin, l'inquiétude relative aux répercussions possibles de la chimiothérapie et ou de la radiothérapie, donc des traitements sur la fertilité, elle dépend de trois facteurs, d'au moins trois facteurs, dont les deux premiers s'impliquent réciproquement. Tout d'abord, avoir déjà des enfants et leur nombre, ensuite son âge, et puis enfin sa représentation ou conception de la capacité de procréation. Mais on observe en certains cas, et malgré ces deux premiers facteurs, donc le fait d'avoir déjà des enfants et leur nombre, et puis son âge, que les éventuelles implications des traitements sur les possibilités de reproduction ne sont pas ou peu une source potentielle de problèmes ou de déconvenues lorsque la décision de ne pas avoir d'enfants avait été prise préalablement à l'annonce du cancer. Parfois même, elle la conforte, au moins dans une certaine mesure, sinon la renforce. Enfin, lorsqu'elle est présente, cette inquiétude relative à la fertilité peut être d'autant plus importante si l'on sait ou si l'on apprend que l'on connaît déjà des troubles, la concernant, et ce nonobstant une possible conservation de sperme dans un SECO, c'est-à-dire dans un centre d'études et de conservation des œufs du sperme, conservation préalable au traitement. En effet, la possibilité d'obtention d'une abondante progéniture attestant de la puissance sexuelle peut elle aussi être considérée comme participant des virilités physiques et identité masculine, qualité attendue de l'homme vraiment homme. Une possible atteinte de la fertilité remet en cause la masculinité et, plus fatalement pour ainsi dire, la stérilité constitue une perte de la virilité. Les propos de M. Appé, donc toujours le même enquêté dont il a été question plus haut, vont en ce sens. Le sperme, confie-t-il, c'est la masculinité, c'est être un homme. Il continue en m'expliquant que ce qu'il est actuellement capable de faire, fertilement parlant, n'est pas terrible. Aussi pour lui, cela ne fait pas très homme, il estime que c'est un peu gênant, voire même pénalisant. D'autres enquêtés m'expliquent encore que procréer, ça reste la valeur essentielle, ou bien que les spermatozoïdes, c'est quand même une fonction de vie. Mais il me semble que cette conception, elle peut être nuancée, l'infertilité dans les pays démocratiques développés cessant d'être perçue comme un signe de carence de l'individu par rapport à un modèle très traditionnel de virilité ou de féminité, enfin plus ou moins selon Irène Théry. Alors enfin, pour conclure, ce sera plutôt une ouverture. Voilà, il me semble que mon exposé est très succinct et demande évidemment à être augmenté et affiné tant dans les domaines que j'ai traités, enfin sexualité, identité de genre, que j'ai évoqué, aux modalités d'obtention d'un enfant suite à la maladie, rôle des proches ou implication professionnelle, enfin de la maladie, de la maladie et des traitements au niveau de la vie professionnelle. Mais malgré cela, il me semble mon exposé déjà proposer quelques modestes, ou même plutôt très modestes pistes d'analyse, appelant non seulement leur développement, mais peut-être aussi à terme une comparaison avec d'autres, et notamment les pistes d'analyse ouvertes par des travaux articulant les thématiques cancer, voire même santé en général, sexualité et genre, ce qui permettrait alors de mieux appréhender toute la complexité de certaines des modalités de gestion appliquées par ces pathologies dominantes dans nos sociétés, les maladies chroniques. Voilà, je vous remercie de votre attention. La discussion est ouverte.